El Padre. Ok, j'ai comme un mauvais pressentiment. Va dire je t'aime à ta maman. Ce qui va se passer n'a rien de marrant. Ça te complote constamment. Carotte égale mise à la demande. L'offre répond à la demande. Y'a la faim et y'a les moyens. Les petits s'introduisent chez le français moyen. Aux armes citoyens. Y'a des robins dans tous les coins. Qui veulent être repeints en un seul coup. Échec et mat, bien sûr en six coups. Y'a pas de procureur sans Youvoie. Pas de fer, ça s'en lance pas. La brigade financière opère. Tu veux du bif, faut en avoir une grosse paire. Hey, les vrais acteurs sont dans les coulisses. Mon département c'est le 6. Notre partie préférée du poulet c'est la cuisse. Les lions rugissent. On est libre et en bonne santé. On déporte idées. Post-mortem musique, El Padre, El Padre. Bientôt vous comprendrez. C'est dire la vérité, c'est être un teutré. Écoute les confessions d'un teutré. Il a signé sans le mériter. Il a clippé, c'était mon idée. Je te déteste, mais viens, on baise. Je sais où il cache, viens, on baise. Ça, c'est ce que j'entends au quotidien. Et je peux continuer jusqu'à demain.